Luciano. C'est jugé, condamné. Du monde qui a cherché la vie. Oh, c'est pas faute du monde s'il n'a nécessité. Il va me le faire l'allemand de prêter. Il va te travailler, il va te bien toucher. Il va te prêter. Oh, oh, on va te moins frapper, mais qu'on n'aime pas louer. C'est le balai, yo. Oui, oui, oui, oui, qui bagaille ça. Comme il m'a payé. Moi m'en dé qui causé ça. Madame moi payé tant des honneur là. Moi m'en dé qui bagaille ça. Madame moi payé tant des honneur là. Moi m'en dé qui causé ça. Madame moi payé tant des paye ou pas paye. Et qui la tient? Oh oh, paye ou pas paye. Et qui la tient? Ah, paye ou pas paye. Et qui la tient? Encore, paye ou pas paye, paye ou pas paye, paye ou pas paye. Ça, ça y est, ça. Ça, ça y est, ça m'a dit. Mais ça, ça y est. Oh,